La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Après Philippe Paradis, il y a quelques années, Normandin, pour avoir un joueur qui a un certain lien avec la municipalité, être repêché par l'équipe de la Ligue nationale, Xavier Bouchard, le fils de Gilles Bouchard, est très, très bien classé au repêchage qui aura lieu au mois de juin prochain. Question de savoir un peu, le connaître un peu, c'est quoi son style, comment ça fait de jouer contre son père. On lui parle. Salut Xavier. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Xavier, effectivement, ça fait... Tu vas probablement être le deuxième joueur à être repêché qui a un lien avec Normandin au cours des 10 dernières années. C'est quand même très, très intéressant. Puis, je regardais ton classement, t'es quand même bien classé, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je pense qu'il y a des classements qui sortent un peu, je pense, c'est une fois ou deux semaines ou quoi. Mais j'essaie de pas regarder ça, là. C'est sûr que je pense que ça peut être une distraction. Puis, j'essaie de me concentrer sur ma saison. Puis, à la fin, on va voir ce qui va se passer au repêchage en juin. OK. Tu es classé, je pense, quelque part en deuxième ronde. Si on t'a qualifié comme défenseur, quel genre de défenseur que tu es? Je pense que je suis un défenseur, on dit en anglais, un peu toué, qui peut jouer autant bien défensivement que offensivement. Comme j'ai dit, je suis bien dans ma zone, je suis capable aussi de m'impliquer offensivement, provoquer des chances de scorer. Je pense que j'ai un bon plan offensif pour un défenseur. Puis sinon, je suis un gros défenseur mobile, un bon gabarit, puis un bon passeur. Okay. Ton père me disait, je compare un peu à Seth Jones. Est-ce que c'est à peu près ça? Ouais. C'est à peu près ça que tu regardes? Ouais, j'essaie de m'identifier un modèle là, dans LNH, puis j'ai regardé jouer un peu Seth Jones, puis je pense que c'est un gars qui me ressemble un peu. Fait que je pense que c'est bon d'avoir un modèle à qui tu peux t'identifier, puis essayer de répliquer ce qu'il fait, puis garder c'est les bons côtés de. Je pense qu'il a la même shape que moi, il est un bon défenseur droitier, gros gabarit. Fait que tu sais, je peux m'identifier à lui puis essayer d'apprendre en regardant ses OK. Idées. Tu fais partie également, je pense, du programme d'équipe Canada. On a fait le grand état cette année qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois qui vont être au championnat du monde. Sauf que tu as participé quand même à plusieurs tournois avec l'équipe canadienne, notamment Evelinka, entre autres, je pense, au mois d'août. Je pense qu'au cours des prochaines années, ça va être beaucoup mieux, là, la représentativité de l'équipe des Québécois de la Ligue junior du Québec dans l'équipe canadienne. Oui, c'est sûr que là, on regarde au U20 en ce moment, il y a un Québécois, je pense. Ça va pas mal avec les années. Là, des fois, ça, c'est des gars qui sont nés en 98-99. Ouais. Puis, des fois, il y a des mauvaises batches, comme on dit. Puis, je pense que notre année, les 2000, ça va très bien. Si tu regardes au match des espoirs en janvier prochain, je pense qu'il y a 13 gars de la LHMQ. Parmi ça, c'est comme 10 Québécois. Puis, non, je pense que notre batch, comme on dit, en 2000, va très bien. Puis, je pense que ça va bien pour les prochaines années au niveau du programme Hockey Canada. OK. Xavier, t'es le fils de Gilles, qu'on parle régulièrement. Gilles, qui est directeur général et entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda. Gilles me disait dans une de ses entrevues que ça fait un peu bizarre, qu'il trouve ça plate un peu. Je l'écoutais même à TVA Sport dans le magazine qui disait que c'est dur de jouer contre son fils. Tu sais, il y a le côté entraîneur-chef, mais il y a le côté papa aussi. C'est-tu un peu la même affaire lorsque vous affrontez les Huskies? Oui, exactement. Tu sais, je pense que c'est un feeling assez spécial, là, je te dirais. La première fois que j'ai joué contre, je m'attendais pas à ça, mais c'est un peu bizarre. Tu veux pas que ton père y perde, mais en même temps, tu veux que ton équipe gagne. Fait que c'est sûr que tu souhaites pas de mal, mais ouais. Tu veux pas, il y a juste une équipe qui peut gagner. Fait que c'est sûr que c'est un feeling spécial, mais tu, au bout de la ligne, c'est juste un jeu. Puis l'important, c'est de donner tout ce que t'as, puis à la fin, on verra le résultat. Est-ce que tu rêves à un moment donné de terminer ta carrière junior avec ton père? C'est quelque chose que tu as pensé? Je ne dirais pas que je rêve à ça. C'est sûr que j'y pense, mais pour l'instant, je suis extrêmement bien avec Omo. Puis on a un bon groupe de jeunes joueurs. Puis pour l'instant, je vais dans cette direction-là. OK. Parlons-en du Trakkar. Vous êtes au 13e rang. Je pense que c'est une équipe quand même qui est en semi-reconstruction. Mais les prochaines années avec Omo, ça risque d'être très, très palpitante. Ouais. Pour nous, on vise plus la prochaine année dans notre construction. C'est sûr que cette année, en ce moment, on est un peu en bas des attentes, je pense. On s'était fixé des attentes au début de l'année. Puis c'est sûr que 13e au classement, ça reflète pas l'équipe qu'on a en ce moment. Je pense qu'on a un groupe très très talentueux. Puis on a des bons jeunes joueurs. Donc c'est sûr que avant Noël, ça n'a pas très bien été. Mais si on regarde l'année passée, on a eu une progression fulgurante après Noël. Donc on va essayer de faire la même chose cette année, là. OK. En début d'entrevue, je disais que tu as un lien particulier avec Normandin. Évidemment, tu as de la parenté. Gilles vient de Normandin. Toi, tu viens pas de Normandin. Tu es né à Trois-Rivières. Mais par contre, est-ce que ça t'arrive de venir encore à Normandin? Ouais, je viens, je te dirais, 2-3 fois par année. On va bientôt là, pour Noël. Sinon, l'été, j'essaie d'aller faire mon tour. Là. J'ai beaucoup de famille du côté de la famille à mon père là-bas. Puis c'est sûr que c'est très plaisant de retourner là, voir un peu les racines de mon père, là, d'où il vient. Puis c'est juste du bon monde au Lac-Saint-Jean. Ouais. Ton grand-père vit encore, tes grands-parents, hein? Ouais, ma grand-mère, mon grand-père, il habite à Normandin. OK. Ben, Xavier, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va suivre ton rôle. Je sais que le match des espoirs, c'est quelque chose de vraiment précieux. C'est très important pour un joueur comme toi. Donc, on va te suivre certainement d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup. Xavier Bouchard, qui est natif de Trois-Rivières, mais qui a beaucoup de parenté à Normandin, qui va être un choix très haut au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.